La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de football collégial, c'est la chronique du football collégial avec des joueurs du Haut-du-Lac qui jouent soit avec les Gaillards, soit avec les Couillards de Chicoutimi ou les Génois d'Allemand. Et on va faire une intrusion chez les Génois d'Allemand cette semaine. On va parler avec William Potvin, qui est un joueur natif de Saint-Félicien. Salut William! Yes, salut Danny, merci beaucoup. C'est William, t'es-tu pareil avec Danny Potvin du restaurant Midas? Yes. Danny, c'est mon oncle, c'est le frère à mon père. Ah, OK, donc j'espère que t'as de la jasette comme ton nom. Oh oui, oh oui, j'en ai quand même pas pire, ouais. OK, OK. William, quelle position tu joues? Je joue linebackers au centre de la boîte défensive des Génois d'Allemagne. OK, OK. Et dis-moi, ça fait combien de temps que tu joues avec les Génois? C'est ma première saison. OK. C'est ma première saison, ouais. OK. Donc, t'as pas connu l'année passée, l'année décevante des Génois, que c'était difficile, là? Décevante, ben, je l'ai pas connu, mais j'en ai entendu parler. Décevante. Pas décevante comme un peu qu'il y avait beaucoup de travail à faire, là. Puis, il y avait pas beaucoup de profondeur, là. Ouais, c'est plus ça que. Ouais. Ils sont fait du fun pareil, là. OK. Si on parlait un peu de ton adaptation, comment tu trouves ça avec les Génois d'Allemagne et au niveau collégial, tant au niveau scolaire qu'au niveau football? Écoute, André, on a une équipe, les coachs puis tout sont là pour nous autres, il y a de quoi dans l'école. Puis au niveau football, écoute, on a tellement une belle ambiance en chambre, puis dans la pratique, puis dans tout, là, que cette année, on va causer toute une surprise, puis j'ai confiance en notre équipe, puis ça va bien aller. Le fait que vous avez gagné contre les Cougars à Chicoutimi, à part de ça, là, c'est quand même quelque chose de faut pas dénier non plus, là. Est-ce que ça va augmenter la dose de confiance de l'équipe? Oui, ça va. Écoute, c'est ça, ça va. Écoute, moi, j'étais pas en équipement, j'ai pas pu jouer. Okay. Mais oui, ça nous a donné un gros boost, puis on va essayer d'aller chercher ces deux dernières victoires-là, puis on va tout faire pour les playoffs. Donc, c'est ta première année, c'est ça? Yes, avec, c'est ta première année, donc on t'habille pas à tous les matchs, quoi? Tu dis j'étais pas dans... j'ai réintègre cette semaine, j'ai été diagnostiqué comme sur cérébral. OK. Puis, ben, c'était pas une grosse, fait que j'ai été chanceux, puis c'était mieux de prendre du repos que rater tout le reste de la saison. Fait que j'ai pris du repos, puis j'en viens en force en fin de semaine à Rimouski. Ouais. Hey, tu me parles de ça, là. T'étais un jeune qui joue au football. T'as dit, j'ai fait une commotion cérébrale. Le football actuellement, ça a pas la cote en raison justement des commotions cérébrales. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu continues avec toute la mauvaise publicité qu'il y a autour du football? Écoute, ben, c'est pas vraiment une mauvaise publicité, c'est plus que le monde a peur de voir leurs enfants faire des commotions cérébrales, mais c'est la manière qu'on nous enseigne à plaquer puis à tout faire au football qui est plus dangereux, mais oui, c'est un risque qu'on a à toutes les fois tu mets ton casque, c'est un risque de tomber, de faire une commotion cérébrale, de recevoir un contact, d'avoir une commotion cérébrale, mais en même temps, moi, c'est sûr que c'est du football, c'est le fun, c'est le risque, mais c'est le fun pareil, puis on essaie de... Toi, ça t'a jamais empêché, t'as jamais pensé arrêter de jouer parce que t'es un jeune puis parce que les commotions cérébrales, il y en a en masse? Non, j'ai jamais vraiment pensé arrêter à cause de ça. Je me suis dit que, tu sais, je joue au hockey aussi, je pourrais faire autant de commotions chez le hockey que chez le football. Fait, je me dis que c'est pas... bien de continuer à faire du sport puis de m'amuser. Puis... OK. Tu jouais pas pour le Marcos Pub, mais ça, j'ai vu ton nom avec le Marcos Pub à un moment donné. Oui, j'ai joué pour le Marcos Pub 2B à Saint-Félicien aussi, ouais. OK, OK. Puis t'as choisi le football plus, c'est ça? Ouais, le football, c'est... Ouais, ben j'aurais pu jouer deux saisons avant au football là, avec les Janois, sauf que j'étais pas prêt à m'en venir à Alma, puis... OK. Il m'en reste une, puis... OK. Là, il te reste une saison normalement. T'es à Alma. Comment tu trouves au niveau scolaire? Comment tu trouves ça? Ah, c'est super fun. J'ai rien à dire. Pour vrai, on est bien encadré. C'est vraiment le fun. OK. T'es en quelle faculté? Ben, dans le fond, domaine de sécurité, je fais sûreté industrielle commerciale. Okay. L'année prochaine, je vais faire milieu carcéral. Donc, c'est en technique policière? Non, technique policière, c'est aide police et tout. Moi, c'est vraiment intervention milieu carcéral qui m'intéresse. Ah, OK, OK. Puis ça, c'était-tu juste disponible à Alma? Non, il y avait Québec. Il y en a à Québec. Il y en a pas mal partout, en fait, quand j'ai regardé ça. OK. Mais j'avais déjà parlé avec Coach Caron, puis okay. j'avais dit que c'est sûr que j'allais venir à Alma. C'était proche de chez nous, en même temps. Ben, c'est sûr. Hein? Puis le pitch de vente n'a pas été trop dur pour Jean-Philippe. Non, non, pas tout. C'est Jean-Philippe, il me parlait à chaque année. Il aimait ça que je vienne l'année passée, l'année d'avant, mais j'étais pas prêt. OK, OK. L'année passée, tu jouais avec Kevin Tremblay à Saint-Félicien? Non, l'année passée, je coachais avec Kevin Tremblay à Saint-Félicien. J'étais okay. trop vieux pour jouer. OK. Je l'ai aidé en coaching staff. Puis, ça, tu fais avec eux autres pareil. Mais c'est quand même une belle préparation, j'imagine. Ouais, c'est très, très, très. Ça me demande beaucoup mentalement, pour vrai, là. C'est. Avec l'école, puis on a du vidéo, on a des meetings, on a des pratiques tous les jours. Oh, on a un congé ce soir, c'est pas si pire. Pas si pire, oui, effectivement. Puis toute la préparation, bien sûr. C'est quelque chose, hein, pareil, c'est. Je parle avec plusieurs joueurs, ça commence le bonheur le matin, puis finir tard le soir. Oui, c'est. On sort du cégep, là, quand on a fini nos pratiques, on sort des alentours de 22h. Fait qu'il faut. Il faut vraiment aimer le football. Toi comme joueur de football, là, t'es plus vieux que les autres, tu te vois où? Est-ce que tu vois l'université éventuellement ou ça va s'arrêter au collège? J'ai pas vraiment pensé encore à l'université. Il me reste une saison avec les Janois, puis je pense que je vais me concentrer à jouer ma saison avec les Janois, puis l'université, on va voir ce qui va venir après. Si j'y vais, je vais y aller. Je vais prendre plus match par match, puis saison par saison, puis on verra pour l'université. OK, OK. Là, dis-moi, vous avez gagné contre les Gaillards, pas les Gaillards, mais les Cougars à Chicoutimi. C'est un match qui est c'est à Chicoutimi par le fait même. C'est un match qui va vous donner confiance. Comment vous voyez la fin de saison? Là, j'imagine que vous allez affronter quoi? Vous allez probablement affronter Chicoutimi encore, de la manière que c'est... Non. Ouais, non, c'est... là, on il nous reste deux matchs saison. C'est contre Rimouski, à Rimouski. Ouais. Puis le 27 octobre à Alma, au terrain synthétique d'Alma, contre les Gaillards de Jonquière. OK. Puis comment tu vois ça, affronter les Gaillards? C'est une puissance? C'est une puissance, mais c'est pas une équipe qui me fait peur nécessairement. Écoute, moi, je vois match par match, puis je suis confiant pour vrai. On a une belle équipe. Puis nous autres, ce qui nous aide cette année, c'est l'énergie qu'il y a dans notre chambre. On s'entend tous bien. On se voit après les pratiques, après les matchs. On est tous ensemble, tu sais. Il y a personne à part, on est tous ensemble, puis vraiment faire en sorte qu'on progresse dans notre année, là, ça va être cool. OK, OK. Ben William, on va te souhaiter la meilleure des chances, on va s'en reparler, on va parler des Journaux d'Alma, c'est une belle victoire, puis je sens que le chat de Dolboum Sessny qui a vraiment plus d'énergie cette année que l'an passé. Je pense que la différence, c'est la profondeur, en fait. Là. Beaucoup plus de profondeur, c'est ça la différence, la grande différence. Oui, pas mal, là, c'est... On a beaucoup de joueurs qui nous aident. Ouais. Ben William, on va te souhaiter la meilleure des chances puis pour la fin de la saison. Ah, merci beaucoup, Danny. William Potvin de Saint-Félicien qui s'aligne avec les Journaux d'Allemagne.